Chapitre 4. L'Oasis. Le crépuscule tombait sur Eldorado, cette ville du désert, quand le vendredi soir, Bob Eden descendit du train et pénétra dans la gare en briques rouges qui ressemblait à une maison d'école désaffectée. Le voyage de San Francisco à Barstow s'était effectué sans incident. Mais dans cette dernière ville, le jeune homme perdit toute trace de Charlie Chan. Au buffet de la gare de Barstow, il avait laissé le détective chinois devant une tasse de thé fumant. En attendant le train d'Eldorado, Bob fit une promenade en ville, et lorsque vers 3 heures il revint à la gare, il chercha sans succès le petit policier d'Hawaï. Il monta seul dans le train. Vainement, son regard fouilla le quai désert. Il constata que dans ce coin désolé, il n'y avait pas d'autres voyageurs que lui. Le fait que le détective portait sur lui une véritable fortune de perles, indigeste, inquiétait vaguement le fils du joaillier. Chan avait-il été victime d'un accident? Ou peut-être... En somme, que savait-il réellement de ce Charlie Chan? Ce collier constituait une tentation puissante pour un pauvre détective d'Honolulu. Mais non, Bob se rappelait l'expression des yeux de Chan lorsque celui-ci promit à Sally Jordan de bien garder les perles. La confiance des Jordan en leur vieux serviteur se fondait sur une longue fidélité. Résolument, Bob Eden chassa ses préoccupations. À Eldorado, il sortit de la gare. Il se trouva sur une étroite bande de terre qui, d'une manière touchante, voulait donner l'illusion d'un parc. Le vent frais du soir, qui venait du désert, soufflait à travers les branches dénudées des peupliers. Bob suivit une allée dissimulée par une haie de feuillage jaune et arriva au trottoir de la seule rue pavée d'Eldorado. D'un coup d'œil, il embrassa presque toute la ville, étagée sur un fond de collines brunes et nues. En face de lui, une rangée de buildings squelettiques annonçait la rue principale. Une banque, un cinéma, un bazar, le bureau d'un journal, la poste, et dominant les autres, un bâtiment d'un étage qui se proclamait l'hôtel du désert. Eden se fraya un chemin entre les automobiles poudreuses qui stationnaient devant la porte. Sur le double siège de l'estrade d'un cireur, deux compagnards se prélassaient et le dévisagèrent lorsqu'il entra. Une lampe électrique projetait une faible lueur sur le bureau où un vieillard à l'air souriant lisait un journal de Los Angeles. « Bonsoir, monsieur, » fit Eden. « Bonsoir. Voulez-vous me permettre de déposer ma valise au vestiaire ?»« Ah ah, le vestiaire. Vous plaisantez, jeune homme. Fourrez-la dans un coin de cette pièce. N'auriez-vous pas besoin d'une chambre par hasard? Je vous ferai un prix de faveur. » Non, merci. Tant pis. Je désirerais savoir où se trouve l'Eldorado Times. Au coin de la première rue, marmotta le propriétaire, de nouveau plongé dans la lecture de sa gazette rose. Bob Eden tourna l'angle de la rue. Aussitôt, ses pieds quittèrent l'unique trottoir d'Eldorado et foulèrent le sable fin. Il passa devant quelques maisons, encore plus minable d'aspect que celle de la grande rue. Une boutique d'épicier, une échoppe de plombier, et bientôt, il découvrit une bicoque peinte en jaune où s'étalait au-dessus de la fenêtre l'enseigne à demi effacée « Eldorado Times », travaux d'imprimerie très soignés. Pas de lumière à l'intérieur. Bob aperçut une pancarte fixée sur la porte. Il déchiffra péniblement dans l'obscurité l'avis suivant. « Will Holley reviendra dans 1 heure. » Le sourire aux lèvres, Bob se présenta de nouveau à l'hôtel du désert. « Le dîner est-il prêt ? » interrogea-t-il. « Je me le demande moi-même, » répondit le vieux bonhomme. « Nous ne servons pas à manger ici. Nous perdons ainsi un peu moins d'argent. »« Mais il y a tout de même un restaurant ?»« Certainement. Nous sommes en pays civilisé. De l'autre côté de la banque, vous verrez le café de l'Oasis. » Derrière des carreaux sales, l'Oasis dispensait ses plaisirs frelatés. Une glace crasseuse et un haut et interminable comptoir témoignaient qu'autrefois, ce restaurant avait réellement pu être une oasis. Bob grimpa sur un des hauts tabourets. À sa droite, tout près de lui, se tenait un homme en combinaison d'ouvrier, le menton garni d'une barbe d'une semaine. À sa gauche, peut-être un peu moins rapproché, une jeune fille, vêtue d'un corsage et d'un pantalon de cheval de couleur kaki. Le garçon, déguisé en chèque de cinéma, lui demanda ce qu'il désirait. Sur un menu taché, Il choisit le plat du jour. Beefsteak et oignons avec pommes de terre frites, pain, beurre et café. 80 centes. Le chèque s'en alla d'un pas nonchalant. En attendant, Bob Eden regarda dans le miroir enfumé le visage de sa voisine. « Hé, pas trop mal, songeait-il, même dans cette classe ternie. » Ses cheveux dorés comme les blés s'échappaient en boucle de dessous un chapeau de feutre, et son teint ne devait rien au salon de beauté. Il tenait son coude serré contre lui afin de laisser plus de place à la jeune fille. Soudain, arriva un plat d'étain copieusement garni, mais pas d'assiette. Bob observa ses voisins et dut se rendre à l'évidence. La vaisselle était un luxe dédaigné de l'oasis. Armé d'un couteau de fer et d'une fourchette, il mit de côté la garniture d'oignons et attaqua son beefsteak. Les premières impressions ne trompent jamais, et Bob Eden se rendit immédiatement compte qu'il affrontait un adversaire peu tendre et quelque peu récalcitrant. Le beefsteak resta le vainqueur. Après quelques minutes de lutte infructueuse, Bob appela le chèque. « Donnez-moi un couteau d'acier !»« Il n'y en a que trois dans l'établissement, et tous sont en main, » répondit le garçon. Les coudes au corps, les muscles tendus, Bob Eden reprit l'assaut. Grinçant des dents et les traits tirés, il enfonça le couteau de toutes ses forces. La lame produisit un bruit terrible et, horreur, le morceau de viande sauta de son lit de sauce et d'oignons pour aller choir sur les genoux de la jeune fille, puis, de là, sur le plancher. Bob, se retournant, aperçut ses yeux bleus qui riaient. « Ah, mademoiselle, je vous demande pardon. Je croyais qu'on m'avait servi un beefsteak. C'était un bichon habitué à monter sur les genoux des dames. » « Et il n'a pu tenir sur les miens, » fit-elle en considérant sa culotte de cheval. « Excusez-moi, j'aurais dû le rattraper. Ce qui prouve, une fois de plus, que les femmes doivent s'habiller en femmes, n'est-ce pas ?»« Je vous trouve très bien ainsi, » dit Bob galamment. Il se tourna vers le chèque. « Apportez-moi quelque animal moins féroce. »« Si vous preniez du rôti... »« Essayons toujours. Je vais tenter un autre round. Le premier coup était déloyal. Une serviette pour mademoiselle, je vous prie. » « Une... quoi ? Une serviette ? On n'en a pas ? J'apporterai un essuie-main. »« Non, je vous en prie, » s'exclama la jeune fille. « C'est inutile. » Le chèque s'éloigna. « Il me paraît plus prudent de ne pas faire intervenir dans l'affaire un essuie-main de l'oasis, » expliqua la jeune fille. « Vous avez peut-être raison. Bien entendu, je suis responsable des dégâts de votre toilette. » Elle souriait toujours. « Vous voulez rire ? « En ce cas, je vous rembourserai le beefsteak. Il faut une longue pratique pour manger à l'oasis. » Vivement intéressé, il la regarda. « Vous venez souvent ici ? » demanda-t-il. « Mais oui, mon travail m'amène fréquemment dans ces parages. »« Votre travail ?»« Oui, et puisque votre beefsteak nous a fait faire connaissance, je puis vous dire que je m'occupe de cinéma. » Bob avait en effet remarqué de nombreux acteurs pendant son voyage. « Vous ai-je déjà vu sur l'écran ? » demanda-t-il. « Non, et vous ne m'y verrez jamais. Je ne suis pas une actrice. Ma besogne est bien plus intéressante. Je suis une chercheuse de sites. » Le rôti de Bob Eden arriva, coupé soigneusement en menus morceaux. « Une chercheuse de sites ? » ?»« Oui, je voyage pour trouver des paysages, des fonds de tableaux, des décors. Je m'évertue chaque fois à découvrir du nouveau. » Quelque chose que le cher vieux public prendra pour l'Algérie, l'Arabie, les mers du Sud. Ce doit être intéressant. Extrêmement, surtout quand on aime cette région. Vous y êtes peut-être né. Oh, non, j'y suis venu avec mon père, pour voir le docteur Whitcomb, à 7 kilomètres environ d'ici, derrière le ranch de Madden. Il y a des années de cela. Quand mon père mourut, je dus trouver une solution. Mais voilà que je vous raconte l'histoire de ma vie. « Pourquoi pas ? Les femmes et les enfants me font toujours leur confidence. J'ai l'air si paternel. Ce café est affreux, n'est-ce pas ? Que prenez-vous comme dessert ? Il y a deux sortes de tartes, la tarte aux pommes et l'autre qui manque toujours. Choisissez. Je prends de celle qui manque. » Il demanda l'addition. « Voulez-vous me permettre de régler votre repas, mademoiselle ? Après la façon dont mon beefsteak a sauté sur vous ? N'en parlons pas. « J'ai un compte ouvert ici. Un mot de plus, et c'est moi qui paierai votre note. » Dédaignant les cure-dents généreusement offerts par un aimable caissier, Bob suivit la jeune personne. Il faisait nuit, le trottoir était désert. Sur la façade d'une construction basse, une triste rangée de lumières électriques proclamait que la gaieté régnait à l'intérieur. « Où allez-vous ? Au cinéma ?» demanda Bob Eden. « Ah non, je connais ce film. Cela me rapporte 10 années en arrière. Dites-moi un peu, que veniez-vous faire dans ce pays ? Les gens se confient à moi aussi. » « L'histoire est assez embrouillée. Je vous la conterai un jour. Pour l'instant, je cherche le rédacteur en chef du journal L'Eldorado Times. Je voudrais lui remettre une lettre. » « Will Holley ? » ?»« Oui, vous le connaissez ? » ?»« Qui ne le connaît pas ? Suivez-moi. À 7 heures, nous le trouverons dans son bureau. » Ils prirent la première rue. Bob Eden, tout fier de se promener en compagnie de cette jeune fille, svelte et élancée, si modeste et en même temps si sûre d'elle, si expérimentée et si courageuse. Les filles du désert commençaient à lui paraître charmantes. Une lumière éclairait le bureau du journal, et un personnage d'aspect chétif, le dos voûté, se penchait sur une machine à écrire. Lorsqu'ils entrèrent, Will Holley se leva et se débarrassa de la visière verte qui protégeait ses yeux. C'était un homme grand et mince, d'environ 35 ans, aux cheveux prématurément gris et aux yeux pensifs. « Bonjour Paula, » fit-il. « Bonjour Bill, voici ma dernière découverte au Café de l'Oasis. » Holley sourit. « Vous seul avez le don de dénicher ce qui en vaut la peine à Eldorado. Jeune homme, je ne vous connais pas, mais je vous conseille de partir au plus vite avant que le désert ne vous tienne dans ses griffes. Voici une lettre pour vous, monsieur Holley. Elle vient d'un de vos vieux camarades, Harry Fladgate. » Harry Fladgate, répéta lentement Holley en parcourant la missive. Une voix du passé, du temps où gamin, nous travaillions au Sun, de New York. Il demeura un instant silencieux, les yeux tournés vers le dehors, scrutant la nuit désertique. Harry m'apprend que vous êtes ici pour affaires, ajouta-t-il. C'est exact, je vous raconterai cela plus tard. Pour l'instant, je voudrais louer une voiture et me rendre au ranch de Madden. Vous désirez voir P.J. Madden en personne ? Certainement, et le plus tôt possible. Il est arrivé au désert, n'est-ce pas ? Je ne l'ai pas encore vu. On dit qu'il est venu de Barstow l'autre jour en automobile. Cette jeune personne vous renseignera mieux que moi. À propos, avez-vous été présentés l'un à l'autre, ou preniez-vous simplement le frais au clair de lune ? Non, fit Bob en souriant. Tout à l'heure, mademoiselle a voulu rattraper mon beefsteak qui se sauvait. Quant aux présentations... Je comprends, fit Bill Holley. Miss Paula Wendell, je vous présente Monsieur Bob Eden. N'oublions pas l'étiquette, même dans ce jardin du diable. Merci, monsieur Holley, vous me rendez un grand service. Les formalités accomplies, je puis enfin m'adresser à vous, Miss Wendell. Connaissez-vous Monsieur Madden ? Très peu. Le menu fretin n'approche pas aisément de l'illustre millionnaire. Il y a quelques années, notre société cinématographique prit plusieurs vues de sa propriété. Il possède une maison superbe et un amour de patio. L'autre jour, je reçus un scénario pour lequel je voyais comme décor le patio de Madden. Je lui écrivis et il me répondit de San Francisco qu'il allait venir au désert et qu'il mettrait de bonne grâce son ranch à ma disposition. Sa lettre était fort aimable. Aussitôt arrivé avant-hier, je courus au ranch de Madden. Selon moi, il s'y passait quelque chose d'étrange. La grille était ouverte, je pénétrai dans la cour. Les phares de mon automobile éclairèrent soudain la porte de la grange et j'aperçus un vieillard tout courbé avec une grande barbe et un paquet sur le dos. Évidemment, un de ces anciens prospecteurs, comme on en rencontre encore quelquefois dans ce désert. Son expression me frappa particulièrement. Il avait l'air d'un lièvre effaré et il décarpit au plus vite à mon approche. Je frappai à la porte de la maison d'habitation. Après un long moment d'attente, je vis arriver un homme tout pâle et agité qui se présenta sous le nom de Thorne, secrétaire particulier de M. Madden. « Je vous en donne ma parole. Il tremblait comme une feuille. » Will me l'a déjà entendu dire. Quand je lui demandai à être introduite auprès de son patron, Thorne me répondit grossièrement que je ne pouvais voir l'illustre PJ, comme on l'appelle, et que je n'avais qu'à revenir dans une semaine. Je discutais, je suppliais. Il me ferma la porte au nez. « En sorte que vous n'avez pu voir Madden et que vous n'avez obtenu aucune explication, fit lentement Bob Eden. Aucune. Je repris le chemin de la ville. Non loin du ranch, mes phares éclairèrent de nouveau le vieux prospecteur. Mais lorsque j'atteignis l'endroit où je croyais pouvoir lui parler, il avait disparu. Sans m'attarder à rechercher ses traces, j'appuyai sur l'accélérateur. Mon amour pour le désert décroît quand vient la nuit. Bob Eden frotta une allumette. « Monsieur Holley, il faut absolument que je me rende ce soir au ranch de Madden. Je vous serai très obligé de m'indiquer un garage. »« Je n'en sais rien, » répliqua Holley. « Entre autres reliques, je possède un vieux taco, et je vais vous conduire moi-même chez Monsieur Madden. » « Oh non, je ne veux pas vous déranger de votre travail. »« Mon travail ? Ne blaguez pas, je ne trouve pas de quoi remplir mes journées. » Ils quittèrent ensemble le bureau. Holley ferma la porte et dit à Eden, en montrant d'un geste, la petite rue triste et ensommeillée. « Vous nous trouverez toujours par ici, nous, les exilés du monde. Évidemment, le désert est magnifique et nous nous y plaisons, tout au moins durant le jour, quand la température est agréable. » Mais non par les nuits froides et solitaires. Oh, vous exagérez, Will, riposta gentiment la jeune fille. Cela va mieux depuis que nous avons la TSF et le cinéma, répliqua le journaliste. Je passe presque toutes mes soirées assis dans le petit cinéma. Parfois, un film documentaire ou le décor d'un scénario me fait revoir la 5e ou la 42e avenue, avec les automobiles, les lions devant la bibliothèque et les femmes couvertes de fourrures. Mais jamais on ne me montre par Crow. » Après un instant de silence, il reprit. « Si vous m'aimez, Paula, vous prendrez vos dispositions pour situer un scénario dans Park Crow, avec la foule attendant au bas du funiculaire, la poste, la pharmacie Perry et le dôme doré du journal The World. Mettez cela sur la pellicule et je demeurerai devant l'écran jusqu'à en perdre la vue. « Je ne demande qu'à vous obliger, » dit la jeune fille. « Mais les foules qui font la queue au bas du funiculaire ne s'intéresseront pas à ce film. Il leur faut le désert, les grands espaces libres, loin du brouhaha de la grande ville. »« Je comprends, » fit Holley. « Une sorte d'épidémie s'est répandue sur l'Amérique durant ces dernières années. Le désir de ce qu'on ne peut avoir. » La jeune fille tendit la main à Bob. « Monsieur Eden, je vous quitte pour aller passer une bonne nuit à l'hôtel du désert. » Nous nous reverrons, dit vivement Bob. Sûrement. Demain, je vais au ranch de Madden. J'ai sa lettre et je veux absolument le voir, s'il est là. S'il est là, répéta d'un air pensif Bob Eden. Bonne nuit. Will Holley le conduisit à une vieille voiture qui stationnait devant l'hôtel. Montez, dit-il. Le trajet est très court. Une minute. Il faut que je prenne mon sac. Bob entra dans l'hôtel et reparut portant sa valise, qu'il lança à l'intérieur, puis il grimpa dans la voiture qui descendit la grande rue avec un bruit de ferraille. « Je vous remercie de votre amabilité, » dit Bob. « Il n'y a pas de quoi. » « J'y songe. Le vieux PJ n'accorde jamais d'interview. Mais qui sait? Peut-être arriverai-je à en tirer quelque chose. Ces hommes illustres se montrent parfois moins rigides quand ils sont par ici. Cela me vaudrait un fier succès. » Du coup, on parlerait de moi dans Park Row. Je vous y aiderai de mon mieux. Vous êtes l'amabilité même. » Derrière eux, les faibles lumières jaunes d'Eldorado diminuaient. Ils gravirent une rude montée entre deux petites collines, amas informes de rochers nus et sans beauté. « J'essaierai de le faire parler, » dit le journaliste. « J'aurai peut-être plus de chance que la dernière fois. »« Vous l'avez déjà vu ?» demanda Bob, vivement intéressé. Une fois seulement, voilà 12 ans, lorsque j'étais journaliste à New York. J'avais réussi à pénétrer dans une maison de jeu de la 44e rue, non loin du Delmonico. C'était un endroit mal famé, mais P.J. Madden s'y trouvait, en habit, pariant des sommes folles. Non content de spéculer toute la journée à Wall Street, il venait là chaque nuit jouer à la roulette. Et vous avez essayé de l'interviewer? Oui, j'étais alors un audacieux gamin. À cette époque, Madame projetait l'exploitation d'une importante ligne de chemin de fer et je voulus lui demander quelques tuyaux là-dessus. J'avais profité d'un instant où le jeu se ralentissait, mais à peine lui avais-je dit que j'étais envoyé par un journal. « Fichez-moi le camp, » rugit-il. « Vous savez que je n'accorde jamais d'interview. » « Voilà ma première et seule entrevue avec P.J. Madden, » continua Holley en riant. « Début peu encourageant, mais je tâcherai de terminer ce soir ce que j'ai commencé dans la 44e rue. » ils atteignirent le haut de la route. Les collines rocheuses s'estompaient derrière eux. Ils pénétraient dans un monde nouveau. Là-haut, au milieu des étoiles de platine, montait un mince croissant de lune. Et sous cette faible clarté s'étendait le vaste désert, l'immense solitude grise et mystérieuse.